quatrième et dernier temps de la série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'héritage des guerres. Aujourd'hui, le documentaire. Après vous avoir discuté lundi avec Masha Serovitch, qui recevra ce week-end le prix des rendez-vous de l'histoire de Blois pour son livre sur les partisans soviétiques pendant la Première Guerre mondiale, son livre s'intitule « Les enfants de Staline », avoir discuté avec elle justement de cet espace en guerre qu'a été pendant la Seconde Guerre mondiale l'espace soviétique, nous allons ce matin revenir justement à cet espace géographique qu'était l'URSS. Le documentaire d'Anaïs Kien et de Séverine Kassar revient ce matin sur les guerres des années 90 en Tchétchénie, en se demandant quelles leçons nous apprennent ces conflits, il y en a eu plusieurs, qui surprirent par leur violence et par leur caractère urbain tous les observateurs. Nous allons avoir dans ce documentaire les témoignages et les analyses de Michel Goya, de Christian Ingrao, d'Aude Merlin, de Frédéric Longuet-Marx et d'Anne Niva, Tchétchénie, les leçons d'une guerre, jusqu'à 10h ce matin dans la Fabrique de l'Histoire. À l'étranger maintenant, la situation en Tchétchénie. Boris Yeltsin, le président russe, laisse encore 24 heures aux indépendantistes avant d'ordonner à son armée d'entrer dans Grozny, la capitale. Les négociations sont rompues ce soir, mais les officiers de l'armée russe ont des états d'âme. Ils craignent un deuxième Afghanistan. Les combats se sont poursuivis toute la journée. Dominique Derda sur place avec Jean-François Bernigo, envoyé spécial. Partir, fuir Grozny au plus vite. Pour ces hommes trop âgés pour se battre, ces femmes, ces enfants, rester ici signifie courir le risque de mourir. Car la guerre se rapproche à grands pas de la capitale, et cette nuit prend fin l'ultimatum imposé par Moscou aux Tchétchènes pour qu'ils déposent leurs armes et renoncent à leur indépendance. Si c'est la guerre, alors il faut se battre entre hommes, dit ce père de famille. Il ne faut pas qu'ils tuent nos femmes et nos enfants. Moscow stepped up the attack. The Russian government said it was hitting strategic targets, but the evidence on the ground told a very different story. The indiscriminate brutality of the bombardment of Chechnya has raised questions about the future of democracy in Russia. Aujourd'hui, c'est au nord et à l'ouest que l'on se bat. Face à l'énorme supériorité russe en hommes et en matériel, les Tchétchènes font de la résistance, une guerre de partisans. On a ici affaire à des types d'images qui sont beaucoup plus diversifiées que pour tous les autres conflits qu'on avait vus jusqu'ici. On a à la fois des images de combats qu'on avait déjà, des images de Grozny bombardé, des images de ces colonnes de blindés qui prennent feu, des images de combattants qui s'infiltrent ou s'exfiltrent, des images comme ça, on en avait, mais on n'en avait quand même jamais d'aussi près. Ces images de colonnes de combattants qui sont en train de s'exfiltrer de bâtiments en flammes, moi j'avoue que je n'en avais jamais vu avant de voir ces images de Grozny. Ça c'est une première chose. Et en second lieu, ce qui est intéressant, et là je pense que véritablement c'est nouveau, on a des images de subjectivité en guerre. Tchétchénie, les leçons d'une guerre. La guerre contre une organisation armée, c'est une guerre au milieu des populations. Face à des gens qui sont souvent des civils armés en réalité. Et toute la complexité de la chose, c'est d'arriver à vaincre ces groupes armés au milieu de la population avec ces difficultés qu'on ne les voit pas. Ils viennent de la population, sont souvent soutenus par elle. La population en réalité devient souvent l'objet des combats. Sachant que, pas au niveau politique, mais les techniciens comme moi se disent que ça risque aussi de nous tomber dessus et qu'il faut là aussi regarder ce qui se passe et de se réintéresser à ce type de conflit. On en a fait, encore une fois, on avait un peu oublié, on ne le faisait plus. On n'a plus théorisé, on n'a plus réfléchi sur ce type de conflit depuis la guerre d'Algérie. La Tchétchénie, elle a duré trop longtemps. Les guerres, ça lasse. Médiatiquement, si c'est pas court, ça lasse. Une fois, j'ai eu un rédacteur en chef qui m'a dit une phrase qui m'a rendu perplexe, qui m'a rendu malade. Il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as encore à nous dire sur la guerre en Tchétchénie, justement? Mais comment on peut dire une phrase pareille? Alors que justement, ce qui compte, c'est les détails, c'est les nuances, c'est le fait que justement, quand on a l'impression qu'on a tout dit, qu'il faut continuer à y aller. Vas-y. Vas-y, voilà, Российская армия! Пусть все поколения России будут прокляты, как мы! La Tchétchénie, république de la nouvelle fédération de Russie, revendique son indépendance sur les décombres de la guerre froide et de l'Union soviétique. Dans les anciens pays communistes, les aspirations nationalistes, réduites au silence pendant des décennies, sortent du placard. Si l'on a pensé que la guerre cesserait d'exister avec la fin de l'opposition entre les États-Unis et l'Union soviétique, de nouvelles formes de guerre voient le jour, comme en Tchétchénie, qui n'oppose plus deux États, mais des groupes armés à une grande puissance. Retour sur les guerres de Tchétchénie, à travers cinq regards, un militaire, une politiste, un historien, une anthropologue et une reporter de guerre, qui nous disent ce que la guerre de Tchétchénie nous apprend du monde actuel. Engoncé dans ses chars, gêné par son ignorance du terrain, paralysé par sa propre chaîne de commandement, l'armée russe fait devant Grozny l'étalage de ses divisions et de son impuissance. Les troupes sont traumatisées par le cauchemar de l'Afghanistan et cette ex-deuxième armée du monde n'est plus que l'ombre de sa puissance et de sa réputation. Alors les troupes russes ramenées au rang de vulgaires régiments irakiens? En tout cas ce soir, la bataille de Grozny est bien pour elle la mère de toutes les humiliations. Michel Goya, historien militaire, ancien colonel des troupes de marine. On est en 94 et quelques années plus tôt, c'était mon cas, dans les années 80, on était tous, et quand je dis on, c'est tous les militaires français, occidentaux et compris américains, étaient tous en train de se demander comment on allait faire pour pouvoir résister à une éventuelle attaque soviétique en Europe, en Allemagne en particulier. Comment on allait pouvoir résister à cette puissance, à cette armada absolument considérable, avec ces dizaines de milliers de chars, c'était absolument considérable. On était tous d'ailleurs dans des scénarios assez défensifs, sans faire appel aux armes nucléaires. Et là, quelques années plus tard, cette même armée qui nous terrifiait, d'un seul coup, se fait humilier par quelques milliers de combattants légers, des fantassins, des gars qui sont équipés juste de Kalachnikov et de quelques lance-roquettes, au milieu d'une ville de 400 000 habitants, c'est Montpellier, en dimension. Bon. Et là, c'est une surprise. Et peut-être que cette armée n'était peut-être pas si imposante, si forte que ça, mais surtout, c'était le témoin de comment une armée, enfin l'État de manière générale d'ailleurs, mais une armée en particulier pouvait se déliter en quelques années. C'est l'armée russe. Toute la période des années 90, c'est une période de crise de l'État. C'est une période où les soldats ne sont plus payés, ne sont plus. Enfin, c'est une grave crise où vous avez des désertions en masse, vous avez des trafics, c'est une armée qui se décompose complètement moralement. Et on en voit concrètement les effets à Grozny. Et là, c'est les soldats qui sont engagés, qui ne savent pas se battre, malgré des moyens qui paraissent importants, ne savent pas se battre. 9 novembre 1991. C'était le 27 octobre dernier. Les Tchétchènes votaient pour élire leur président. Descendus des montagnes du Caucase, les paysans entament la danse rituelle des Murides, la danse de la guerre. La guerre qui doit les opposer, eux, les musulmans de Russie, au pouvoir central, incarné désormais par Boris Yeltsin. Le président de Russie déclare le scrutin illégal, et pourtant les Tchétchènes élisent leur président, le général Doudaïev, le premier de la République autonome de Tchétchène-Ingouchie. Cette République du Caucase du Nord est en majorité musulmane, mais fait partie de la Russie. Le général Doudaïev en appelle à tous les peuples musulmans pour défendre leur indépendance et menace d'attentats terroristes, y compris contre les centrales nucléaires. Doudaïev, donc le premier président de Tchétchénie, est un ancien général soviétique. Beaucoup sont passés par l'armée soviétique, une armée de conscription, beaucoup ont été appelés. Ce qui fait que par ailleurs, ils connaissent parfaitement les matériels qu'il y a en face, ils savent très bien quels sont les points faibles des chars russes qui sont en face d'eux, comment les attaquer, etc. Donc ils connaissent très bien l'ennemi, donc ça c'est évidemment un gros avantage. Ensuite, ils sont chez eux. cette ville de Grozny, ils la connaissent par cœur, ils se battent chez eux. Et puis entre eux, voilà, il y a toute une culture particulière, clanique, familiale, qui instaure une grande cohésion dans leur rang. Et l'objet principal de la formation militaire, ça oblige à forcer un comportement. Concrètement, vous obligez des individus à faire des choses qui ne sont pas naturelles, c'est-à-dire aller au-delà du danger et tuer. Rentrer dans une zone de violence qu'on appelle le combat, ça, voilà, c'est une zone très particulière où les individus se transforment. Bon. Et donc, vous avez, par le biais idéologique, par le biais de la forme d'endoctrinement, si vous voulez, par les liens d'honneur, les liens claniques, bah, vous obligez des gens à combattre jusqu'à la mort, à combattre courageusement, voilà, parce qu'ils sont forcés par tout un tas de choses invisibles qui les poussent à cela et à combattre jusqu'au bout, y compris jusqu'au sacrifice, voire au suicide délibéré. Les Tchétchènes sont des combattants soviétiques. Tous les gens qui intègrent à ce moment-là la rébellion tchétchène sont tous passés par la conscription, parce que les Tchétchènes sont pauvres et on n'échappe pas à la conscription quand on est pauvre, et donc ils ont tous été formés par les soviétiques. Donc ce sont d'ex-soviétiques qui giflent d'ex-soviétiques. Christian Ingrao, historien. En gros, les armées qu'on envoie, ça fait combien de temps qu'on leur avait pas fait faire du combat en zone urbaine? Et la façon dont les Russes interviennent montre bien qu'ils avaient un peu perdu la mémoire de ce qu'était Stalingrad. Pourquoi est-ce que je fais référence à Stalingrad? Parce que Stalingrad a été la première très grande bataille totale urbaine de la Seconde Guerre mondiale. Il y a d'autres batailles urbaines, mais celle-ci a une double importance. D'une part, parce que c'est très vraisemblablement à Stalingrad que l'armée soviétique met en place tous ces savoir-faire de combat urbain, notamment le fait que la progression doit jamais passer par la rue, mais passer par soit les sous-sols, soit les rez-de-chaussée des immeubles. On se déplace pas dans la rue, on creuse des trous dans les murs et on fait des sortes de rues parallèles dans les maisons pour ne pas donner signe de vie, par exemple. On met en place des techniques de commando qui ressemblent à ce que sont maintenant les colonnes d'assaut des groupes de forces spéciales qui s'occupent de combats en milieu clos. Tous ces savoir-faire ont été développés par les Russes, notamment à Stalingrad, par les Russes et par les Allemands, mais les Allemands ont fini par les oublier, puis ils ont perdu en plus. Mais ce sont les Russes qui ont développé ces savoir-faire, qui les ont formalisés et qui les ont diffusés dans leur armée. C'est pour ça que cette bataille, elle est extrêmement importante quand on reparle de Grozny, parce que les experts militaires qui ont analysé Grozny ont d'abord dit « ils ont oublié », pour rendre compte des 3 ou 4 premières semaines de la bataille de Grozny où les Russes se font malmenés, dirons-nous, mais pour montrer aussi que 4 semaines plus tard, ils avaient bien compris la chose et qu'ils remettaient en place exactement les mêmes tactiques que celles qu'ils avaient mises en place pendant cette bataille de Stalingrad. La dernière grande bataille urbaine dans laquelle les Américains, enfin les Occidentaux, de manière générale, avaient combattu, c'est la bataille de Huy en 1968. Donc là, on s'est dit, tiens, le savoir-faire militaire s'oublie, hein, s'oublie très vite. Michel Goya. On a peut-être oublié un certain nombre de choses dans la manière de combattre en ville. Donc il faut nous intéresser. Les Marines américains se sont beaucoup intéressés, nous aussi. Hein, on a construit un centre d'entraînement au combat en zone urbaine, en France, en se disant voilà, c'est là que maintenant les choses les plus compliquées se passent en ville. Donc, et c'est pour ça, et la bataille de Fallujah, d'un point de vue militaire, tactique, hein, les Américains ont été bons, quoi. Ils ont réussi à faire, avec relativement peu de pertes pour eux, chose que les Russes n'ont pas réussi à faire à Grozny. Et c'est pas un hasard, hein, c'est que, encore une fois, ils ont bien étudié ce qui s'était passé, les erreurs russes, ce qu'il fallait faire. Ils sont face à des combattants qui combattent à peu près de la même façon que les Tchétchènes. Et donc, il y a tout cet aspect très particulier, puis il y a un aspect plus général, qui est celui de ce qu'on appelle la contre-insurrection et la lutte contre des groupes armés au sein de populations, ce qui était quelque chose de nouveau, enfin de renouveau en tout cas pour nous. Ça aussi c'est ce qu'on a regardé de près. 13 janvier 1995. Contre l'artillerie russe, les défenseurs de Grozny ne peuvent rien. Bienvenue en enfer, dit à l'entrée de la ville une affiche qui paraît bien en deçà de la réalité. Les Russes progressent vers le centre de la capitale. Ce soir, 2 semaines après une première tentative, ils seraient à nouveau tout près du palais présidentiel. Autour, les immeubles ne sont plus que ruines. pilonnés un à un, plusieurs fois à la minute, pour en déloger les derniers combattants. Mais si les Tchétchènes perdent du terrain, ils résistent encore par petits groupes. Certains rédigent même des lettres qu'ils abandonneront derrière eux. Un avertissement aux soldats russes. La guerre en Tchétchénie, écrivent-ils, sera plus horrible encore que celle d'Afghanistan. Et là, minutieusement, les Russes ont repris la ville, immeuble par immeuble, maison par maison, en descendant dans les souterrains, parce qu'il y a énormément de souterrains à Grozny, et en mettant en place un bain de sang. Véritablement. Christian Ingrao. On considère que la bataille de Grozny a commencé le 23 décembre 1994 et qu'elle s'est terminée en mai 1995. Entre ces deux dates, sur 6 mois donc, il y a 27 000 morts. 27 000 morts, ça fait 4 fois Srebrenica. C'est absolument inouï. Mais ce sont des chiffres et c'est le produit d'un choix politique qui est choix politique et stratégique qui est mis en place par l'armée russe. Qui est de ne pas tenir compte des civils, les civils qui sont restés dans la... Les Russes considèrent qu'à partir du moment où ils ont prévenu les gens qu'ils allaient prendre une ville d'assaut, s'ils ne sont pas partis, c'est pas des civils. Plus il y a de morts à Grozny, et plus on se demande à Moscou jusqu'où ira ce terrible jeu de massacre, et surtout qui pourrait l'arrêter. Ce soir, le très peu fiable centre provisoire d'information russe sur la Tchétchénie affirme non sans fierté que la ville est totalement encerclée. Moscou a envoyé des renforts, des troupes fraîches venues remplacer celles qui traînaient des pieds, et préféraient garder leur distance pour ne pas avoir à tirer sur des civils. Les nouveaux venus n'ont pas ces états d'âme. On sait depuis longtemps que les militaires n'approuvent pas tous cette opération et surtout la façon dont elle est menée. Certains seraient limogés ou sur le point de l'être, d'autres viennent de démissionner avec fracas comme le numéro 2 de l'état-major de l'armée de terre. D'un côté, je me réjouis de sa décision, dit le président de la commission de la défense à la Douma. Cela prouve qu'il reste dans l'armée des gens pour lesquels l'honneur et l'honnêteté sont des valeurs importantes. Mais d'un autre côté, cela m'attriste, car ce sont les plus dignes qui s'en vont. Дядя, квартира 22. La première guerre de Tchétchénie ne sera qu'une longue série de batailles inutiles, de massacres, d'échecs et de défaites pour la Russie. Déjà, en juin 1995, des rebelles tchétchènes avaient pris en otage 1500 personnes dans un hôpital du sud de la Russie, à Budionovsk. L'armée russe avait donné l'assaut, 150 otages avaient été tués. Deux mois plus tard, un cessez-le-feu avait été signé. Au printemps 96, alors que Boris Yeltsin doit se faire élire pour un nouveau mandat, il est clair que la Russie n'est plus en mesure de gagner cette guerre. Ce qui s'est passé en 96 est, à mon sens, en tout cas en partie, le signe d'une certaine disposition de la part de Moscou à l'époque, donc du pouvoir fédéral russe, une certaine disposition à mettre un terme à cette guerre, pour des tas de raisons intérieures aussi à la politique russe. Aude Merlin, chercheuse en sciences politiques. Qui... d'une certaine façon, insérait toute la chronique d'une guerre désastreuse de l'armée russe en Tchétchénie, à un moment où on la montrait à la télévision russe, à un moment où les journalistes russes avaient accès à tout ça, à un moment aussi où beaucoup de Russes vivaient à Grozny. Donc la première guerre de Tchétchénie, 94-96, est largement documentée par les Russes eux-mêmes, qui du coup viennent porter aux oreilles et aux yeux du lectorat russe de la connaissance de première main sur ce qui s'y passe, ce qui n'est pas du tout le cas de la deuxième guerre après 99. Donc ça a joué beaucoup en défaveur de l'image de Boris Yeltsin et de son armée, et donc ça a joué beaucoup en faveur d'une accélération en quelque sorte de la fin de la guerre, parce que les élections présidentielles russes qui s'annonçaient pour juin-juillet 1996, avec un Boris Yeltsin qui dès février 96 n'était crédité que de 6% d'intention de vote dans le public russe, risquait d'être calamiteuse pour Yeltsin, et Moscou d'une certaine façon décide de mettre un terme à ce désastre, qui est un désastre en termes d'image, un désastre en termes tactiques et un désastre humain, y compris côté russe. On comptait quand même, les mères de soldats parlaient de 15 000 Russes morts durant le premier conflit. Elles disaient que c'était autant que les Soviétiques morts en Afghanistan entre 79 et 89. La République de Tchétchénie élit son deuxième président, Aslan Maschadov, parce que Doudaïev a été tué. À propos, oui, il n'y a aucun président tchétchène qui est mort dans son lit. Ils ont tous été tués par les Russes. Donc il y a le don d'une autonomie et de l'indépendance, puis une république qui se met en place, mais le jeu politique dans cette république de Tchétchénie, d'Ichkérie, est tel que le candidat numéro 2 à la présidence de la République de Tchétchénie, s'appelle Chamil Basayev, et une fois qu'il n'a pas été élu, il remobilise ses troupes, parce que c'est aussi une question de chef de guerre, tout ça, et il commence à exporter le conflit au Daghestan et dans les républiques limitrophes. Et c'est ce prétexte-là, plus les attentats qui ont été organisés à Moscou, qui va servir de prétexte à la seconde intervention russe. 16 septembre 1999. Nouvel attentat en Russie, cette fois c'est une ville de province, loin de Moscou, qui a été prise pour cible. Officiellement, c'est toujours la piste tchétchène qui est privilégiée. Mais dans le pays, les rumeurs se multiplient et le climat est de plus en plus tendu. Commentaire Memona Interman. Il était à peine 6h du matin. En une fraction de seconde, la déflagration a pulvérisé tout un pan de cet immeuble de 8 étages. L'édifice avait été inspecté par la police antiterroriste. Cette fois, la cible n'est plus Moscou, mais une ville ordinaire de province, Volgodonsk, à 1200 km de la capitale. La vague d'attentats vise clairement à démoraliser les Russes. Les poseurs de bombes veulent montrer qu'ils frappent où ils veulent, quand ils le veulent. Boris Yeltsin, qui a reçu aussitôt son premier ministre, lui demande de riposter à la guerre par la guerre. Pour le Kremlin, c'est la piste du Caucase qu'il faut attaquer, c'est-à-dire les indépendantistes islamistes en Tchétchénie et au Daghestan. L'armée russe poursuit ses bombardements dans ces deux républiques. Toutes les voies de communication vont être coupées avec la Tchétchénie. Pendant ce temps, à Moscou, Saint-Pétersbourg, dans la plupart des grandes villes, un plan antiterroriste déploie des mesures de sécurité exceptionnelles. Le pouvoir tente de rassurer alors que la psychose se répand. 300 morts en deux semaines, jamais la Russie n'avait connu une telle vague de terreur. Moscou enterrait aujourd'hui les morts de l'explosion de lundi, 118 victimes. Ce soir, demain, à tout moment, les Russes s'attendent maintenant à d'autres attentats. Les interrogations demeurent, qui sont les véritables commanditaires de cette opération de déstabilisation de la société? Quelles en seront les conséquences politiques? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en 99? Il y a effectivement des effets très massifs de la Première Guerre. Aude Merlin. Destruction d'un territoire grand comme deux départements français, mais avec une économie laminée, avec une population décimée, il faut bien le rappeler, plusieurs dizaines de milliers de civils qui meurent. Là aussi, on ne saura jamais au mort près, mais on a quand même au moins une appréciation du fait que chaque famille est touchée. Et on a des conséquences également politiques, religieuses et sociétales. Donc pas d'économie qui repart, pas de reconstruction, pas de statut pour la Tchétchénie, puisque les accords de Khasavyurt de la fin août 1996 ne décident pas du statut de la Tchétchénie. Donc on a un très gros malentendu, on a même une appréciation polarisée entre d'un côté les indépendantistes tchétchènes qui disent nous avons repris Grozny, la Tchétchénie est indépendante, elle n'a plus rien à voir avec la Russie, et puis d'un autre côté les Russes qui disent bah de toute façon la constitution russe de 93 stipule que la Tchétchénie est un des sujets de cette fédération, il y a aucune reconnaissance de la Tchétchénie par aucun état international, etc., sachant que la Russie avait bien pris les devants en précisant qu'elle romprait toute relation diplomatique avec qui oserait reconnaître la Tchétchénie indépendante. Et donc chacun campe sur ses positions et le malentendu est absolu. Et donc la situation pourrit à une vitesse grand V, sachant que un islam politique qui a commencé un peu à pénétrer la résistance durant la Première Guerre prend une ampleur plus importante et que les chefs de guerre et les combattants de la Première Guerre ne sont pas réinsérés dans la vie civile, ne sont pas désarmés. Il n'y a aucune politique de cet ordre-là sous Masrhadov, même s'il y a des tentatives, mais l'état de Masrhadov est très très faible par rapport à ce qu'on peut appeler des spoilers. Enfin, si on reprend la catégorie de Stedman sur ceux qui, après avoir combattu, n'ont aucun intérêt à rendre les armes dans la situation d'après-guerre et qui, au contraire, vont capitaliser les ressources qu'ils ont pu accumulé pendant la guerre, des ressources de commandement, de sécurité, d'autorité, de pillage, de toutes sortes, etc. Et le fait est que la Tchétchénie d'entre-deux-guerres est vraiment une espèce comme ça de pépinière qui voit fleurir tous ces anciens combattants qui se transforment en preneurs d'otages, en petits chefs constituant des petits fiefs locaux et défiant cette tentative de constituer un État dans des conditions extrêmement fragiles de toute façon, comme j'ai essayé de le montrer. Donc il y a toutes ces conditions qui, d'une certaine façon, vues rétrospectivement, ne font qu'annoncer la reprise d'une guerre au sens où, dans l'intervalle, ce qui se passe à Moscou, on le voit, avec l'épuisement en quelque sorte de cette politique eltsinienne Et la reprise en main aussi par ce qu'on pourrait appeler, alors est-ce qu'il faut parler des cardinaux de l'ombre, enfin, en tout cas de ceux qui font la politique à Moscou, est-ce qu'il faut parler d'état profond, enfin, en tout cas ceux qui sont plus aux manettes, hein, face à un Boris Eltsine qui est quand même assez décrépit lui-même, mais qui considère que ce qui est arrivé à la Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique est une humiliation, n'est pas supportable, et qu'il est grand temps de remettre la Russie sur pied, hein, cette fameuse expression que la Russie doit se relever, elle était à genoux, elle doit se relever, et que ce qui a précipité la Russie dans ce gouffre de déclassement, de perte de territoire, de perte de puissance, de perte de patrimoine économique et autres, c'est la volonté de rejoindre l'Occident, de se constituer en État démocratique et d'opérer une transition post-soviétique en fondant un État démocratique. Les Tchétchènes ont toujours représenté pour les Russes. Frédéric Longuet-Marx, anthropologue, spécialiste de l'islam du Nord-Caucase. Puisque, au cours de la colonisation du 19e siècle, les Russes ont colonisé le Caucase, Caucase du Nord. Ça a été une bataille sanglante qui a duré plus de 25 ans. Et donc, dans l'imaginaire russe, les Tchétchènes représentaient un peuple coriace, un peuple cruel, etc. Et donc, il y avait un poème, une berceuse, très connue de Lermontov, qui disait, comme on parlerait du grand méchant loup, à l'enfant qu'on essaye d'endormir, « Fais attention, si tu ne dors pas, le méchant tchétchène viendra dans ton berceau et te transpercera de son poignard. » Donc, dans l'imaginaire russe, il est clair qu'on a un rapport un peu ambivalent. C'est-à-dire que c'est à la fois un peuple qu'on respecte et qu'on admire, et c'est aussi un peuple dont on a peur. Et de tous les peuples qui faisaient partie de l'Union soviétique, je pense que c'est ceux vis-à-vis de qui la politique était la plus violente. Par exemple, vis-à-vis de la religion, les Tchétchènes n'avaient droit qu'à une seule mosquée. Ils étaient à peu près 1 million d'habitants, en sachant qu'il y avait une politique anti-religieuse un peu partout, mais eux n'avaient droit qu'à une seule mosquée, alors qu'au Daghestan, il y en avait 27. Pour à peu près le même nombre d'habitants, et il était interdit de parler le tchétchène dans les lieux publics, dans les rues, dans les lieux administratifs, etc. Et puis on voit très très bien qu'à partir de 1917-1918, les communistes recommencent à faire la même chose. Christian Ingrao. Sous prétexte de collectivisation, etc., etc., il y a une politique de russification qui est extrêmement importante. Et donc, à partir de 1941, bien sûr que les Tchétchènes ne voient pas d'un œil malveillant le fait que les staliniens prennent une bonne centaine de divisions dans la tronche sur le front de l'Est. Et donc, si vous voulez, à partir de 1944, les staliniens, le gouvernement soviétique, accusent les Tchétchènes d'avoir collaboré avec les Allemands et, en 3 nuits, déportent l'entièreté de la population tchétchène de Tchétchénie en Asie centrale et la remplacent par des Russes. Grozny, à ce moment-là, est une ville 100% russe. Et ce que je voudrais ajouter peut-être, même après le retour des Tchétchènes sous Khrouchtchev, après la mort de Staline, qu'on a appelé la réhabilitation du peuple tchétchène avec une autorisation à revenir en Tchétchénie, malgré tout, des discriminations très prégnantes ont perduré. Impossibilité d'accéder à des postes importants dans l'administration, au parti, dans l'armée, interdiction de s'enregistrer dans la ville même de Grozny pour les Tchétchènes, etc. Donc, il y a aussi quelque chose qui continue quotidiennement à exacerber un ressentiment qui va, ça va du quotidien, quand dans le tram, si vous parlez en tchétchène avec votre conjoint, votre enfant, il y a tout de suite un russe ou un slave qui va vous taper sur les doigts et dire qu'il ne faut pas parler cette langue, etc. Le fait à l'école, pour un enfant, de se faire traiter d'enfant de peuple réprimé, peuple puni, ça va au fait que même si vous êtes formé et que vous en avez les compétences, vous ne pourrez pas devenir un haut cadre à l'Institut du pétrole, etc. Donc finalement, un déclassement, alors que les Tchétchènes sont malgré tout sur leur territoire. Donc il y a aussi voilà, ce dissensus, en quelque sorte, qui provoque beaucoup, beaucoup de ressentiments. Il y avait une statue à Grozny, à l'époque soviétique, donc du général Yermolov, qui est vraiment le général de l'armée tsariste, qui a dirigé les opérations militaires sur le territoire de l'actuelle Tchétchénie pendant la guerre du Caucase au XIXe siècle. Et il avait prononcé cette phrase, « Il n'y a pas de pire engeance sur la terre que le peuple tchétchène ». Et cette phrase était gravée sous sa statue. Donc effectivement, il y a aussi ce jeu de miroir qui exacerbe en quelque sorte avec la construction aussi d'imaginaires collectifs qui se répondent. Que ce soit d'un côté les écrivains russes envoyés en relégation ou ayant été réprimés par le pouvoir tsariste suite à leur participation, qui une révolte décembriste, qui pour avoir écrit un texte critique sur l'Empire, etc. Et qui finalement, se trouvant en relégation au Caucase, sont particulièrement fascinés par cette espèce d'amour de la liberté et de détermination qu'ont les Tchétchènes. Donc ça construit aussi une image. Et on sait qu'un Pouchkine, un Lermontov, un Tolstoï, bien évidemment, ont aussi popularisé en quelque sorte au sein de la culture russe et du coup au sein du public russe une image des Caucasiens en général et des Tchétchènes en particulier comme étant attachés, jaloux de leur liberté et étant prêts à sacrifier leur vie pour elle. Et donc ça s'inscrit aussi en quelque sorte en miroir inversé par rapport à la façon dont l'Empire tsariste maintient la population russe dans une logique de glacis, d'autorité, de répression et de contrôle. Et du coup ça crée de la fascination. La guerre qui recommence en 99 est encore une guerre coloniale. Anne Niva, reporter de guerre. Elle est la suite de l'échec de 94-96. Mais à cela s'ajoutent des éléments religieux qui n'existaient pas dans la campagne précédente. Et ce sont des éléments du wahhabisme, donc des wahhabites, donc ce mot apparaît dans la langue russe, sans que vraiment personne localement ne comprenne ce que cela veut dire. C'est donc bien la preuve que c'est une toute petite minorité qui essaye d'imposer cette nouvelle façon de faire la prière, de célébrer les morts, et ça ne fonctionne pas. Parce que la façon de pratiquer l'islam en Tchétchénie est un islam extrêmement ouvert, soufi, avec vraiment une façon de révérer les saints qui est très joyeuse, enfin rien à voir avec le puritanisme wahhabite, qui est effectivement le début de ce qui sera ensuite prôné par ce que l'on appelle les terroristes aujourd'hui, par Al-Qaïda, par Daesh, etc., par les salafistes, etc. Les salafistes existaient déjà, mais ça n'est pas cette branche-là qui arrive en Tchétchénie. Mais il suffit d'une poignée d'hommes. Donc ça marche sur cette petite minorité qui a les armes, mais ça n'arrive pas à être imposé dans la société civile tchétchène. Mais comme c'est mélangé à des revendications indépendantistes, évidemment, la population soutient relativement passivement, mais soutient quand même ces bayviki, ces combattants. Parce que si la population ne les soutenait pas, la guerre n'aurait pas duré aussi longtemps, bien évidemment. Et donc, en 99, alors que des mouvements islamistes au Daghestan et en Tchétchénie, Aude Merlin, se sont mis en contact et que Bassaïev, hein, il faut parler de la figure évidemment de Chamil Bassaïev, qui est, on pourrait dire, le fauteur de troubles numéro un dans cette tentative de constituer un État tchétchène sous Masradov. Mais Bassaïev a beaucoup de liens avec des islamistes du Daghestan et à un moment donné, donc, est organisée une incursion de combattants tchétchènes et daghestanais depuis la Tchétchénie vers le Daghestan pour, entre guillemets, hein, si on reprend leur vocable, libérer des villages daghestanais qui avaient proclamé la charia et face auxquels donc la loi russe qui se décline au Daghestan opposait une fin de non-recevoir. Et cette incursion de combattants tchétchènes et daghestanais vers le Daghestan fournit un prétexte. Alors, est-ce qu'il faut dire en or, enfin en tout cas un prétexte massif à l'armée russe pour intervenir. Et à partir de là, la guerre reprend, sachant que, ça c'est début août 99, mais qu'en septembre, on a des explosions dans des villes de Russie qui sont immédiatement toutes attribuées à ce que Vladimir Poutine appelle la piste tchétchène, sans enquête. Mais voilà. Et à partir de là, ça valide et ça légitime complètement ce qui est déjà en cours en Tchétchénie, à savoir la reprise de la guerre. Et ça la labellise sous le vocable de lutte contre le terrorisme. Et ça va durer, puisque officiellement, Moscou a décrété mettre un terme à la lutte antiterroriste le 16 avril 2009. Moi, quand j'arrive en Tchétchénie en septembre 99, c'est un climat de pré-guerre. Anniva. De fuite. Le début d'une guerre, c'est toujours comme ça. Il y a énormément de mouvements intérieurs. Moi, c'est ma première guerre. Je n'ai aucune expérience. J'ai 26, 27 ans à l'époque. Donc, je suis mon instinct. Maintenant, je sais, a posteriori, que quand il y a ce genre de mouvement, c'est qu'il va se passer quelque chose. Et effectivement, les gens fuient parce qu'ils ont peur d'une opération militaire. Et l'opération militaire survient. Elle débute effectivement le 1er octobre 1999. Et ensuite, on rentre dans une phase de guerre classique, avec un pic de la guerre de novembre 1999 à février 2000. Et là, j'y suis en permanence. En fait, je suis bloqué même à l'intérieur. Je ne peux plus sortir pour aller au Daghestan voisin ou en Ingouchie voisine et donc rentrer à Moscou. Il n'y a plus d'aéroport qui fonctionne non plus, ça c'est la première chose qui s'arrête. Donc je reste bloqué à l'intérieur et j'essaye de comprendre ce qui se passe et surtout de l'observer, de le décrire et de le partager. Alors ça c'est compliqué parce que j'avais pas... Donc j'ai débuté, je travaillais pour finalement personne et puis ces libérations qui, parce que leur correspondant de Moscou n'avait pas l'intention d'aller sur place et parce qu'il me connaissait, parce qu'il savait que j'étais sur place, se disent ben, pourquoi ne pas utiliser Anniva, mais se pose un problème technique et comment transmettre mes papiers. Quelqu'un m'amène un téléphone satellite juste avant que les frontières administratives se ferment. Et ensuite, j'ai travaillé avec ce téléphone satellite tout le temps que je mettais sur mon ventre. Et je le serrais avec une écharpe sous une doudoune. C'était le début de l'hiver. Je suis menu, ça se voyait pas. Et vraiment, sans ce téléphone satellite, je sais pas comment j'aurais fait. Je vous le disais en titre, la Russie a un nouveau Premier ministre depuis ce matin. 9 août 1999. Fidèle à son habitude, Boris Yeltsin a surpris tout le monde en limogeant Sergueï Stepatchine, qu'il avait lui-même nommé il y a moins de 3 mois. Pour le remplacer, il a fait appel à un homme du Sérail, le chef des services secrets, Vladimir Poutine. Poutine, que Boris Yeltsin a d'ores et déjà désigné comme son dauphin, prend les rênes au moment où éclate la crise au Daghestan. Pierre Didier, Philippe Pister et Jean-Jacques Butti. Vladimir Poutine était chef du FSB, les services secrets héritiers du KGB. Il est désormais le nouveau Premier ministre russe, pressenti par le président et mieux encore, candidat désigné à la succession de Boris Yeltsin. Dans une allocution télévisée, le président russe a clairement désigné Vladimir Poutine comme son dauphin, engageant les Russes à voter pour lui lors des élections présidentielles de l'été 2000. Ce qu'on peut dire par rapport à la politique de Poutine, c'est qu'en fait, il va surfer sur cette vague-là. Frédéric Longuet-Marx. Sur les sentiments anti-tchétchènes, sur le nationalisme russe, pour parvenir au pouvoir, puisque là, il est Premier ministre et que c'est en juin 2000 qu'il va être élu président de Russie, ce qu'il est jusqu'à nos jours. Donc à peine un an plus tard. Oui, 6 mois après. 6 mois après, et il faut savoir qu'il n'était pas très connu jusque-là. Il était responsable du FSB, il était à Saint-Pétersbourg, il avait été envoyé longtemps en Allemagne, mais bon, bien sûr, il avait des responsabilités politiques, mais il a vraiment utilisé cette guerre de Tchétchénie, le sentiment nationaliste qu'il continue à faire, pour lutter. Pour la première fois, l'état-major russe a décidé d'emmener dans le nord de la République des journalistes étrangers. La destination est tenue secrète, les itinéraires changent, ce voyage dans un pays en guerre est orchestré par le commandement et les forces spéciales. 1999. Nous avons libéré 34 villages dans cette zone. Il n'y a plus de terroristes ici. D'ailleurs, vous allez parler avec les gens, ils vont tous vous dire toute la vérité. Vous allez voir. À aucun moment, les journalistes ne seront lâchés par les militaires. Le général explique que les habitants du village où nous allons ont accueilli les troupes russes en libérateurs. Nous sommes dans la zone dite de sécurité qui couvre un tiers de la Tchétchénie. Les habitants sont là, tout juste rentrés de leur exil. Le ton est amical, le militaire souhaite établir le dialogue, mais il va rencontrer la colère. Ce qu'on veut, c'est pouvoir sortir d'ici. Ouvrez les routes pour aller à Grozny chercher nos familles. Après, on parlera du reste. Comprenez, on n'a rien fait. On n'est pas des criminels. On est de simples civils. Ça se voit. Regardez-nous, on est des travailleurs. Pour beaucoup, les Russes ne sont pas des libérateurs, mais bien des assassins. Que cette guerre soit maudite. Que peut-on penser de cette guerre où les Russes tuent les civils? Sur leur position, les militaires russes, eux, ne parlent pas de guerre, mais de chasse aux bandits tchétchènes, de ces terroristes qu'il faut liquider jusqu'au dernier. La nuit dernière, les bombardements des troupes fédérales auraient fait 61 morts côté tchétchène. Pendant la première guerre, l'opinion publique russe, y compris certains intellectuels de renom, osait s'exprimer pour la critiquer, cette guerre. Ce qui n'a pas été le cas de la guerre dont nous parlons. Là, les médias russes ont été tout différents. Et l'opinion publique russe a été différente. En tout cas, elle a mis très longtemps avant qu'il commence à y avoir le comité des mères de soldats qui puisse avoir une voix dissonante. Mais c'était déjà trop tard. En Russie, l'opinion était de dire la Tchétchénie appartient à l'immense fédération de Russie et on est tous derrière Poutine. En gros, c'était à peu près ça. Hein. Et je me rappelle très bien qu'au tout début de la guerre, Anya Politkovskaya et moi-même, on est passé sur deux ou trois ensemble émissions de télévision russe en direct, des grandes émissions de prime time. Très vite, c'était terminé. Ils ne nous invitaient plus. On n'a plus eu droit à la parole. Ça montrait bien ce qui était en train de se passer. C'était un tour de vis, y compris au niveau de la propagande. Et ensuite, ça n'a plus cessé. C'est vrai que l'image des Tchétchènes est très dégradée et que ce qui pouvait être encore perçu comme quelque chose d'entendable au niveau du projet politique tchétchène ne l'est plus. La revendication tchétchène au moment de la perestroïka et puis telle qu'elle s'exprime en 91, donc qui est en fait une revendication de libération nationale qu'on pourrait dire de type classique, enfin au sens où, voilà, anticolonial, se libérer de l'emprise de Moscou, Doudaïev insiste beaucoup sur tout ça. Ça, c'est quelque chose qui, dans l'ère du temps de la perestroïka, est parfaitement audible, d'autant que, justement, les Arméniens, les Géorgiens, les Ukrainiens, qui, eux, ont eu la chance, dans le montage ethno-territorial soviétique, de se voir crédités d'une république de l'Union, ont, au regard du texte soviétique, la légitimité à acquérir une indépendance reconnue internationalement. Les Tchétchènes, qui, eux, étaient donc dans un territoire d'un statut inférieur qui s'appelait République autonome de Tchétchéno-Ingouchie, qui était au sein de la Russie, qui elle-même était une des 15 républiques de l'Union ayant droit à l'indépendance. Et là, il y a un effet, disons, de contingence historique et administrative qui a joué en défaveur d'une potentielle légitimité d'une indépendance tchétchène. Le 23 février, une organisation non gouvernementale, Human Rights Watch, Surveillance des droits de l'homme, publiait l'histoire du massacre d'Albi avec une première liste de victimes. 2004. Une liste établie d'après des témoignages recueillis dans des camps de réfugiés en Ingouchie. Certains de ces noms, nous les avons retrouvés dans ce document filmé. Ahmed Abdelhanov, 17 femmes, et son oncle. Elle témoigne de son exécution devant son cadavre. Oumar Koudozov, son frère Moussa, sont identifiés par des proches, des voisins, qui disent que le 5 février, au 88 rue Timanskaya à Aldi, ces deux hommes ouvriers ont été abattus par des soldats russes venus vérifier des passeports. Souleyman Moussaïev, mais aussi Yacoub Moussaïev, Oumar Moussaïev, Abdourahman Moussaïev, Youssouf Moussaïev, âgés de 27 à 77 ans, tués le 5 février, alors qu'ils allaient, nous dit-on, chercher de l'eau. Dans cette guerre, où toutes les manipulations sont permises, ces images délivrent avec certitude un seul message. La violence s'exerce à destination d'une seule population, des civils les plus démunis. Bon, pour les Tchétchènes en majorité, c'est une guerre coloniale. Enfin voilà, il y a eu des guerres de colonisation au XIXe siècle, et ce que les promoteurs du mouvement national tchétchène voulaient mettre en œuvre, en fait, voilà, c'était une décolonisation. Pourquoi les Arméniens, les Estoniens, les Lituaniens, qui n'étaient pas beaucoup, beaucoup plus nombreux que les Tchétchènes, et qui peut-être avaient moins souffert d'ailleurs dans le temps long, dans l'histoire longue, auraient plus le droit, entre guillemets, de devenir des États indépendants reconnus internationalement qu'une Tchétchénie maltraitée, martyrisée dans l'histoire, etc., etc. C'est vrai que la résolution de l'ONU de 1960 qualifie de peuple colonial ceux qui remplissent un certain nombre de critères liés à la colonisation, mais en plus se trouvent séparés d'une mer par rapport à la métropole. On a le cas évidemment avec les colonies africaines. Là, pour les peuples qui ont été colonisés dans une continuité territoriale, cette résolution ne marche pas. Et les Tchétchènes l'ont beaucoup regretté. Et les juristes qui ont voulu aider les Tchétchènes à réfléchir à cette question-là l'ont aussi regretté, parce qu'ils ont dit « Ah bah oui, mais voilà, on retombe toujours sur cette histoire ultramarine d'une association géographique nette entre la métropole et la colonie. Dans le cas d'un empire comme l'Empire russe et de l'Union soviétique, cette continuité territoriale rend très compliquée cette question-là. On a des images de choses qu'on ne voit jamais. Les images de Komsomolskoye qu'on a, par exemple, sont des images ébouriffantes. L'armée russe a pris au piège une unité combattante des Tchétchènes et d'abord détruit de fond en comble la ville, et ensuite ratisse la ville, trouve des combattants qui sont épuisés, très grièvement blessés, etc., etc. Et on voit dans cette image l'interaction entre les deux. Jamais j'avais vu cette espèce de violence sardonique, de haine qui se met en place. Et là, elle va dans un sens, c'est-à-dire les Russes vers les Tchétchènes, parce que les Tchétchènes n'ont plus d'armes, sont totalement à la merci des Russes. Mais on a aussi les images des décapitations tchétchènes, et certaines d'entre elles font suite à des combats. Et ces images sont d'abord extraordinairement effractives, c'est une vraie épreuve de les regarder, évidemment, mais elles montrent aussi bien l'intersubjectivité, c'est-à-dire des combattants russes qui ont été désarmés, qui supplient de vivre, et la haine froide des Tchétchènes qui sont en train de leur couper la gorge, de les décapiter. Ces images-là n'existaient pas avant la Tchétchénie. De cela, je suis persuadé. Manifestement, les Russes ont tiré les leçons de leur défaite de 1995. Basayev et Khattab ont subi deux défaites et se sont repliés en Tchétchénie. La Russie les tient pour responsables de la série d'attentats qui a fait près de 300 morts depuis le 31 août, et elle est déterminée à les pourchasser où qu'ils se cachent. Nous poursuivrons les terroristes partout. À l'aéroport, s'ils sont à l'aéroport. Et excusez-moi, s'ils sont aux toilettes, on ira les buter dans les chiottes. Cette sortie inhabituelle du Premier ministre s'explique sans doute par le traumatisme des attentats. Je vous rappelle que Poutine est le premier chef d'État à avoir téléphoné à George Bush, à Bush Junior, au lendemain des tours jumelles, donc du 11 septembre 2001, pour se vanter et lui dire, voyez, le terrorisme, on est en plein dedans, c'est un terrorisme international, c'est un terrorisme mondial, et moi, Vladimir Poutine, je suis celui qui a compris ce terrorisme et le danger de ce terrorisme bien avant tout le monde, et donc j'ai raison de mener la guerre que je mène depuis longtemps en Tchétchénie, alors que avant le 11 septembre 2001, personne ne s'y intéressait vraiment. 11 septembre 2001, la dimension internationale. Terrorisme international. Pouvoir insérer tout ce à quoi se livrent les forces russes en Tchétchénie, et Dieu sait que c'est en termes de violation des droits humains de l'ordre du massacre, camp de filtration, torture généralisée, opération de nettoyage, etc., etc., etc. Le 11 septembre 2001, l'adjectif international vient se greffer sur cette labellisation, parce qu'on trouve opportunément que des éléments internationaux sont présents parmi les terroristes tchétchènes, etc. Mais surtout, ça s'insère donc dans une narration géopolitique mondiale. Et là, c'est très commode pour Vladimir Poutine. Donc c'est sûr qu'en termes de discours et de capacité à minimiser finalement la portée des témoignages sur l'ampleur des exactions et sur le drame que subissent les civils à très très grande échelle. Là, il y a vraiment un changement important parce que la légitimité du discours politique et géopolitique étouffe complètement la portée de ces témoignages. Mon impression est que la guerre en Tchétchénie n'est pas terminée. Évidemment, il y a un couvercle, une chape de plomb qui est sur la région, mais cette chape de plomb, ce couvercle plutôt, il cache mal le fait que toute la région, tout le Caucase du Nord est encore en ébullition d'un côté. Qu'en second lieu, il y a de la vapeur d'eau qui s'échappe de tout ça, et que le premier contingent de combattants étrangers en Syrie à l'heure actuelle sont des gens qui sont issus du Caucase et d'Asie centrale, et donc tout ça est en train de se répandre, que cette vapeur d'eau de la cocotte en fonte, on l'a aussi senti dans tout le monde arabe, etc., etc. Mais il n'en reste pas moins, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui s'est répandu comme ceci, et que on peut aussi lire une partie des guerres en Afghanistan à partir de 2001 et une partie de la guerre en Syrie aussi comme une sorte de d'épiphénomène de ce qui s'est passé en Tchétchénie, et une grande partie des pratiques de violence des insurgés djihadistes peut faire l'objet d'une histoire généalogique qui remonte jusqu'à au moins jusqu'à la Tchétchénie, hein, ça c'est sûr. Je dis pas que c'est le début de tout, mais il y a toute une histoire, et je vous rappelle que le croque-mitaine chez nous, il mange ta soupe, non je veux pas la manger, bah si tu vas la manger, sinon je t'envoie le croque-mitaine. Chez les Russes, on dit non je t'envoie le Tchétchène. Et c'est la figure de la barbarie absolue, c'est le monstre en eux, et pourtant ils veulent l'intégrer. Merci à Frédéric Longuet-Marx, Anne Niva, Michel Goya, Christian Ingraou et Aude Merlin. Prise de son, Benjamin Chauvin et Romain Lenoir. Mixage, Pierre Henry. Tchétchénie, les leçons d'une guerre, un documentaire d'Anaïs Kien, réalisé par Séverine Kassar. Voilà pour ce documentaire Tchétchénie, les leçons d'une guerre, que vous pouvez réécouter comme toutes les autres émissions de la Fabrique de l'Histoire et de France Culture sur le site franceculture.fr. Vous pouvez également en discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC, Fabrique FC. Demain, nous serons en direct de l'auditorium de l'Abbé Grégoire pendant les rendez-vous de l'Histoire de Blois. Nous vous attendons évidemment les plus nombreux possibles pour pouvoir discuter et suivre notre émission en direct à 9h, ainsi que les autres émissions de France Culture qui y seront présentes, en particulier les Matins de France Culture avec Guillaume Herner. Demain, nous parlerons évidemment du thème de Blois, la puissance des images, et évoquerons le caractère pionnier des travaux sur les images de Michel Vauvel, dont on a appris la disparition récemment, mais également la naissance d'un nouveau site qui est piloté par Patrick Boucheron et Adrien Genoudet. Entre-temps.